Mobobo, Manu Zumambo, Walewa Mioways, Yovikna Miruaro. Mobobo, Manu Zumambo, Walewa Mioways, Yovikna Miruaro. Inelema, Tijari, Mebieneo. Inelema, Tijari, Mebieneo. Jean Lagrange, professeur ingénieur, toujours présent. Nous aussi. On a toujours dit que la musique n'a pas de frontières, mon ami, c'est vrai. Tous les gars, pas trop élégant. On a toujours dit que la musique n'a même pas de barrières, mon ami, c'est vrai. Tous les gars, tous les gars. On a toujours dit que la musique n'a pas de frontières, mon ami, c'est vrai. Yo, toujours présent. Tous les gars. On a toujours dit que la musique n'a même pas de barrières, mon ami, c'est vrai. Tous les gars. Si la musique n'a pas de frontières, samba. Si la musique n'a pas de barrières, oh bébé. Ah, tous les gars. C'est que l'amour aussi n'a même pas de frontières. Hey. Tous les gars. Tout le monde. Tous les gars. Plus besoin de visa pour aller chercher bébé. Sans toi, joli bébé Nangaï. Je sais que dans la ville, je ne suis rien sans toi, joli bébé Nangaï. Je sais que dans la ville, je ne suis rien sans toi, joli bébé Nangaï. Je sais que dans la ville, je ne suis rien sans toi, joli bébé Nangaï. Oui, c'est pour ça. Je demande toujours pardon à Dieu pour te retrouver dans mes bras. Je demande toujours pardon à Dieu, plus de sentiments encore. Je demande toujours pardon à Dieu pour te retrouver dans mes bras. Je demande toujours pardon à Dieu, je dis plus de sentiments encore. Moko. Maman Eddie Edwige, toujours présente. Même si t'habites au Japon, je vais tout faire pour te trouver là-bas. Oui. Même si t'habites au Canada, je vais tout faire pour te trouver là-bas. Ça, c'est même si t'habites au Ghana, je vais tout faire pour te trouver là-bas. Oui. Même si t'habites au Canada, je vais tout faire pour te trouver ça, là-bas. Traverser l'océan Pacifique, traverser l'océan Indien, je vais traverser l'océan Atlantique, traverser même la mer Rouge parce que non l'Iguio. Sécurité, la voiture va démarrer. Tous les gars, pas de mouvement, non, si. On va démarrer les mouvements sans suivre les autres. Mais les autres vont nous suivre. On y va, on l'a. L'habitude de haut. Oui, elle a contre bras à danse de Paris, carré qu'à gauche, qu'on y voit bleu qui se rembourse, les radis battés d'Avignon, toujours présent. Hein, faut les respecter. Tous les gars, Lélé, lélé, maman est dio. Lélé, lélé, aidez-moi qui s'en a bon gré. Mon cas à premier. Maman est-il la mère de Dieu, moi c'est Kitoko. Hey yo, hey maman est, hey yo, hey maman est, hey. Nani n'y a, parce que n'a l'église regardez Rambo. Comme elle est mignonne. Nous, mouvement nous, regardez ces yeux, ces yeux qui expriment le vrai bonheur. Mouvement nous,